بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الخبر؟ الاسم المرفوع المسند الى المبتدا. تأكد. الاسم المرفوع الخبر المسند الى المبتدا. هو المسند المبتدا ما يتم به الفائده. هنا اذا قلت الاسم المرفوع مع كومون تي فيك لي جمله شبه جمله. خبر هي اسماء والمسند للمبتدا سي لا شوز كي اليوم مبتدا اي كي بار لوكيل سي كومبليت لا فائده. لما تدي الاسم خبر يكون غير الاسم. Après la cité en dessous. طيب ثم قلنا كم أقسام الخبر؟ خمسة. طيب تفضل ما هي؟ اسم مفرد وجار ومجرور. اولا ترتيب شبه جمله اسم مفرد وغير مفرد، خبر مفرد وخبر غير مفرد، دو كون كاتيجوري. ابري غير مفرد. غير مفرد شبه جمله ولا جمله؟ لا، قبل هذا يعني التقسيم جمله وشبه جمله. هذه صح. طيب جملة وشبه جملة. ثم دون الجملة هي جملة اسمية وفعلية. أحسنت. شبه جملة جار ومجرور وظرف. طيب هاتني مثالا من المفرد. زيد قائم. طيب هاتني مثالا جملة اسمية. زيدون أبوه قائم. أحسن. مثال جملة فعلية. زيدون ذهب إلى بيتي. نعم، زيدون ذهب إلى بيتي. مقبول. أعطيني مثالا شبه جملة جر ومجرور. زيدون في بيتي. ظرف. زيدون عند أهلي. طيب أحسنت. الآن سندخل في شيء جديد لكن هو تابع لهذا الباب كذلك، ما يسمى بالنواسخ. وعليكم السلام. النواسخ. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الأجرمية: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وخواتها، وإن وخواتها، وظننت وخواتها. Donc là les choses qui rentrent dans le mutadaa le khabar sont les trois choses: كان nécessaire, إن nécessaire, وظن ظننت nécessaire. قال في شرح: المبتدأ والخبر مرفوعان، ولكن قد يدخل عليهما عامل لفظي فيغير وينسخ حكمهما السابق، وتسمى هذه العوامل بالنواسخ. Donc c'est quoi? Que le مبتدأ والخبر sont مرفوعان. Mais il peut que il soit atteint par un عامل لفظي، pas معنوي، c'est quoi لفظي، qui change le hukm, c'est-à-dire qui vient, qui abroge le hukm et qui le change vers autre chose. Et donc ces agents-là, on les appelle nawasikh. قال نواسخ هي جم ناسخ والنسخ في اللغة له معان منها الإزالة يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته. وفي الاصطلاح إزالة حكم المبتدا والخبر. Donc le nawasikh, on l'avait pris dans sous le fiqh. D'accord. Là, donc là, ça ressemble. Awalan al-izala, c'est l'abrogation, la suppression. Comme tu dirais, Masalan, le shams a supprimé l'ombre, l'a fait disparaître. Et là, c'est une chose qui vient supprimer le hukm du raf, du mutadal, du khabar. Un agent, il rentre dedans, et après qu'ils étaient marfour pour l'ibtida ou pour la khabariya, il va changer cet i'rab pour autre chose. Donc il va faire un nasr, une abrogation, un jugement, pour en apporter un autre dans l'i'rab. Ils sont de trois catégories. Awalan ma yurfa'u al-mubtada wa yansibu al-khabar. Premier, qui fait que le mubtada sera marfou, mais par un autre raf que celui de l'ibtida. Là maintenant, ce sera une autre raison qui le rendra marfou. Plus l'ibtida, mais ce nasir. D'accord ? Donc ce sera plus mubtada. Et yansibu al-khabar, qui rendra le khabar mansoub. Et ça, c'est kana wa khawatuha. Kana wa khawatuha. وكلها افعال ويسمى الاول من معمولي كان اسمها ويسمى الثاني خبرها مثل كان زيد نشيطا. Donc كان rentre dans le mubtada le khabar et change leur jugement. Le mubtada va devenir ism kana et le khabar va devenir khabar kana et il sera mansoub. Ça va venir inchallah. Là, il fait juste Mukaddima, après il va prendre chacun des trois. Thaniyan, Mansibu al-Mubtada, wa yarfa' al-Khabar. Al-Aks maintenant. Qui va rendre le Mubtada Mansoub, et qui va rendre le Khabar Marfoua. Wa ya inna wa khawatuha. Wa ya huruf. Donc là, c'est inna et c'est sœur. Ils sont que des huruf. Le premier, on appelle Ism inna, celui qui est Mansoub, et celui qui va être Marfoua, on va l'appeler Khabar inna. مثلا ان زيدا نشيط ان زيد نشيط. ثالثا ما ينصب المبتدا والخبر سكير المبتدا الخبر منصوب وهي ظن وخواتها. لا maintenant les deux vont être منصوب le mubtada et le khabar. C'est le travail de quoi? De ظن et de ses sœurs. Ils sont toutes tous des d'af'al. يسمى اول من معمولي ظن واخواتها مفعولا اول وثاني مفعولا ثانيا مثل ظننت زيدا نشيطا. Donc le premier qui était mubtada, on va l'appeler maf'ul awwal, il sera mansoub, et le deuxième qui était khabar, on va l'appeler maf'ul thani, il sera mansoub كذلك. Exemple, ظننت Zaydan nashita. Zanantu Zaydan nashita. Là-bas, c'est quoi? Zaydun nashita. Mubtada wa khabar. Si kana y rentre, ça va être kana Zaydun nashita. Si inna y rentre, ça va être inna Zaydan nashitun. Si zanna y rentre, ça va être zanantu Zaydan nashita. Mais là-bas, c'était mubtada wa khabar. ثم يبدا بكان واخواتها كان واخواتها قال اولا قال المصنف رحمه الله تعالى في الاجروميه فاما كان واخواتها فانها ترفع الاسم وتنسب الخبر وهي كان وامسى واصبح واضحى وذل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما بارح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. Dans le Jumia, il cite ce qu'on vient de dire là par rapport à Kana, son travail, et que Kana, ses sœurs, sont tous les verbes cités là dans le matin. Amsa wa Asbaha wa Adha wa Akada. On va les citer au fur et à mesure maintenant. وقال في شرح كان واخواتها كان كي ام الباب اي سي سير كي سون امسا وأصبح وضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك ومفتح وما بارح وما دام. C'est que leur travail, ترفع الاسم وتنصب الخبر. Comme on a dit. ترفع الاسم, le اسم à la base c'était المبتدأ. C'est devenu اسم كان. Il est devenu quoi? مرفوع. C'est quoi son عامل maintenant? C'est كان. C'est plus المبتدأ. Et son khabar, c'est devenu khabar kana, il est mansoub. C'est quoi son amil? Kana. Un de ces ça. Misal, tu disais avant Zaydoun Qa'imoun, ça va devenir kana Zaydoun Qa'ima. Donc tu dis quoi dans l'Irlob? Kana Firun, Madin, Nasikhun, on peut dire Naqis également. T'as même? Le reste, pas besoin de citer dans l'Irlob. Mebni, على الفتح لا محل له زيدون تقول ماذا اسم كان مرفوع به اي مرفوع بكان ورمت رفعه الضمه ظهر اخره قائما خبر كان منصوب به اي ب كان ورمت نصبه الفتح ظهر اخره هذا فقط ثم قال كان وخواتها تنقسم لثلاثة أقسام. اسمه ثلاث كاتيجوري. أحدها ما يعمل ود العمل بلا شرط. Première sont celles qui font le même travail, رفع الاسم والنصب للخبر sans condition. تعمل مطلقا. Et sont huit termes. كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس. Ces huit là font le travail de كان sans condition. ما معنى هذه الأفعال؟ كان يتفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي. C'est-à-dire que tu décris le اسم par son خبر au temps du passé. مثلا كان البرد شديدا. Le برد était, ou plutôt le froid était intense. Tu l'attribues à quel moment? Au passé. Attention, في حق الله لا. وكان الله عليما حكيما مثلا. C'est pas Allah, il était, il n'est plus. C'est un autre معنى à ce moment-là. هذا معنى امسى تفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء يعني tu décris le ism par son khabar à quel moment le soir ou l'après-midi مثلا tu dis amsa zaidun zakira que zaid on va dire passer l'après-midi ou la soirée à réviser ou plutôt à évoquer من الذكر نعم à évoquer Allah مثلا اصبح يتفيد اتصاف الاسم بالخبر في الصباح. Même chose maintenant, c'est quand? Le matin. مثل أصبح البرد شديدا. Que le froid, ce matin, était intense. أضحى يتفيد اتصاف الاسم بالخبر في الضحى. Là maintenant, tu décris le ism par le khabar, à quel moment? Au وقت du الضحى. Au وقت du الضحى, c'est de quand? C'est de, du شروق, après le شروق, jusqu'à au zénith, au zawal. مثلا, تقول أضحى زيد نشيطا. Nous on traduira dans ce matin, parce qu'il n'y a pas de Doha en langue française. Que ce matin Zaydoun était en forme. ذل ويتفيد اتصاف الاسم بالخبر في النهار. مثل ذل زيد صائما. Là c'est maintenant tu décris le ism par le khabar dans la journée entière. La journée qui commence elle du lever du soleil jusqu'à se coucher. Tu vas dire que Zaydoun a passé la journée jeûneur, en temps jeûneur. Il a jeûné aujourd'hui. Fait le ma'ana. Ba'ata yatufidu ittisaf al-ism li-khabar fi al-layl. Là, c'est le contraire. Tu décris le ism par le khabar à quel moment? Dans la nuit. Misl ba'ata zaydun musalliyan. Que zaydun a passé la nuit à faire la salat. Sara ada ma'ana akhar. Ouyatufidu ittahawul l'ism li-halati l'ati yadullu alayha l'khabar. Maintenant, ça prouve quoi? Une métamorphose, un changement. Que le ism était d'une situation est devenu une autre situation, autre chose. Mathalan, takoul, sara al-adin khubza. Que la pâte est devenue pain. La pâte est devenue pain. On traduira comme ça. Sara, c'est devenir. Laïsa. Maintenant, Laïsa. يتفيد نفي الخبر عن الاسم Elle vient pourquoi? Apporter une négation du khabar par rapport au ism. C'est une négation. Mithl qawlillahi ta'ala wa laysa dhakaru kal untha. Que l'homme n'est pas comme la femme. Donc c'est, je dirais, n'est pas, ne pas être. Laysa, ne pas être. Yad al-ma'ana. Donc on va prendre un exemple dans ces afael. Mathalan taqul amsa zaydun zakira amsa fiirun maadin nasikh. On peut dire naqis également car il a besoin de son marfou, de son mansoub. Mabni ala, mabni ala. أمسى زيد ذاكرة. لا. مبني على ماذا؟ أمسى. على الفتح. على السكون. مبني على السكون. لا. يوناي جيز. Mais nous c'est pas ça qu'on a pris. Est-ce qu'il s'est attaché à un domir? Alors comment on a dit fil mardi ibn la sukun ils étaient salabi damir araf mutaharrik. Est-ce que là c'est le cas? Mabni la fath. Ils n'ont pas de fath. Mais comment? Fakir, on a appris tout ça. Amsa, c'est quoi la fin du verbe? C'est quoi la dernière lettre? C'est un alif. Et on a dit quoi par rapport au alif? C'est tout le monde sukun de ça. Tayeb, il peut pas être mabni la sukun. Il est mabni à la fatha. La fatha, elle est où? Ah, ok. Manami Zuhuri. Aïwa. Manami Zuhuri. Zuhuriha. Zuhuriha. C'est le premier choix. Aïwa. Al-Ta'adhur. Naam. Il y en a qui disent directement la sukun. Ils disent mabni à la sukun. Mashallah. Mais si nous prenons le stylaire, on marche dessus. Qu'avec le alif, c'est ta'adhur. Même dans les afal, il y a. لا محل لهم من الاعراب زيد اسم امسى مرفوع به طيب مرفوع به ورمه رفعه ضمه الضمه ذاكرا خبر امسى منصوب به ورمه نصبه الفتحه donc les arabes pour tous les autres c'est la même chose adha c'est pareil سكون مقدره أما ذل وبات وكان مبني على فتح الفعل مباشرة ليس كذلك صار كذلك donc ça c'est la première catégorie ce qui agit sans condition ثم قال الثاني deuxième catégorie ما يعمل بشرط تقدم نفي ce qui agit à condition qu'ils soient précédés d'une négation وهي أربعة ألفاظ كالتعم زال وبارح وفتح وانفك ces quatre verbes là font le travail de كان بشرط qui est devant ces verbes là une négation comme on a pris dans le متن ما زال ما بارح وما فتح وما انفك au ماضي et au مضارع ça peut être لا يزال لا يبرح مثلا faut qu'il y ait une négation devant ويتفيد الاستمرار نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار ونحو قولك ما بارح زيد قارئ وما فتح عمرو ذاكرا ومن فك بكر مصليا donc ces verbes là ma معناها الاستمرار tous au même sens que l'action tu ne cesses de la faire مثلا quand tu dis dans le hadith ما زال جبريل يوصيني بجار que جبريل n'a cessé de m'exhorter envers le voisin. Il n'a cessé. C'est-à-dire qu'il a continué tout le temps, tout le temps. D'accord? Parce qu'à la base, Zala tout seul, c'est-à-dire quoi? Arrêter. Cesser. Donc là, tu as dit, Mazala, il n'a cessé. Il n'a pas arrêté. Koulika, ma bariha Zaydoun, kari'an. Que Zaydoun n'a pas cessé de lire. Pareil pour les autres. Ma fatih amrun zakiran, que Amr n'a cessé de faire du zikr. Et Bakr n'a cessé de faire la salat. Donc là, c'est quoi l'i'rab? On va prendre la première. On va plutôt prendre la deuxième. Ma bariha zaydun qari'a. Ma harf nafi. Harf nafi. Mabni la sukun. La mahalahu min i'rab. Bariha firun madin. Naqis nasikh. Mabni la fatha. لا محل له من الإعراب زيد اسم بارحة وما بارحة واضح طيب ما بارحة مرفوع به وعرمته رفعه نعم ضمى ضرر آخره وقارئ أداء خبر ما بارحة منصوب به وعرمة نصبه فتحة سبب يقوى لو لم نجعل نافيا عمم هذا الفعل ما عمل هذا العمل سويت ان فيرب نورمال avec un فاعل مفعول به ou plutôt سويت احل تقول دي مثلا بارح زيد قارئا لا زيد سويت ان فاعل سويت بو ايت ان اسم pour que soit qui est le travail de كان ces quatre verbes là doivent être précédés d'une négation d'accord sinon il faut pas ce travail là ça va devenir un فاعل normal derrière. Attention avec Kana, tu ne fais pas avoir. Un nas de Yemen yuqtiun fi hada al-bab. Vous dire Kana Zedun Koyman, vous dire Zedun Fa'il. Non, ce n'est pas un Fa'il. C'est un ism Kana. Pas même ? Kana, du coup, on ne dit même pas Fa'il. Si, c'est un Fa'il. Mais c'est un travail spécial qu'il fait. Dans l'arabe, c'est l'arabe. Dans l'arabe, ça ne veut pas dire Fa'il. Si, tu dis Fa'il. Maradi. Naqis. Nasir, si tu veux le dire. Mabni. Et Kaza, et Kaza, et Kaza. Mais elle n'a pas de Fa'il, elle a un ism. C'est pour ça qu'on appelle Naqis. Elle a un manque. Elle n'a pas besoin de verbe, de sujet. Elle a besoin d'ism. Et toutes ses sœurs, pareil. Donc attention. Au début, les gens se font avoir. Ils vont dire fa'il direct. Ce n'est pas un fa'il. C'est un ism. Thalith, troisième catégorie qui fait le travail de Kana Khawatiha. Qala ma ya'malu bi shart taqaddum ma masdariya al-zarfiya. Troisième verbe qui fait le travail de Kana et de ses sœurs, à condition qu'ils soient précédés de ma. Et là, ce n'est pas amenafia, ça s'appelle masdaria zarfia. Masdaria zarfia. Je vais expliquer maintenant. Wahua dama. C'est un seul verbe. Dama. La ghayr. Wayatufidu bayen el mudda. Nahu kulilay ta'ala. Wa awsani bi solati wa zakat. Madum tuhayya. طيب ما دمت حيا اي مده دوامي حيا دونك سي داما سبلا داما يعمل عمل كان وخواتها بشرط يتقدم عليه ما المصدريه الظرفيه ce ma là qui est devant c'est plus un nafi comme les autres c'est un ma spécial qui s'appelle ma masdariya dhorfiya c'est-à-dire que le verbe il est interprété par dans le verset il dit wa awsani bi salati wa zakat ma dumtu hayya qui m'a exhorté à la salat et à la zakat tant que je reste vivant un exemple je te dis ana uhibbuka مثلا ma jalasta fi hada al-makan ما معنى هذا؟ أن أحبك مدة جلوسك في هذا المكان. Tant que tu restes assis à cet endroit-là. On t'en dira par tant que, en fait. Ce ma-là, en français, on t'en dira par tant que. Mais en arabe, يؤول بمدة, le terme مدة qui veut dire période, ensuite le masdar du verbe. C'est pour ça qu'on appelle ظرفية par rapport à مدة et مصدرية par rapport au masdar du verbe. Et dama là-bas, ça veut dire demeurer. Dama, le verbe là qu'on a pris ici, ça veut dire demeurer. Ça te d'accord ? Ana uhibbuka ma dumta salafiyan. Je t'aime tant que tu restes salafi. Fahimta hada ? Ay ana uhibbuka muddat dawamika salafiyan. la période que tu restes à la vie. Donc ce ma-là, c'est Zarfiyya Masdariyya. Attention. Je dis les mains, en langue arabe, tu en as 17, je crois. 17. Après, c'est toi d'apprendre les chouloutes et d'awabit pour différencier entre elles. Là, c'est plus Nafiyya. Là, c'est une nouvelle main. C'est plus non plus Ism Mosul. C'est plus non plus Ism Shart. Matafail Afail. C'est fini. C'en est un autre, là, encore. Donc maintenant, c'est à toi de bien rentrer ça dans le dossier, bien classé, bien répertorié, pour pouvoir y revenir, le trouver le jour où tu en as besoin. Et le reconnaître. Je vais donner un exemple, une phrase avec même Mazdariya. Tu fais son ta'wil. Anta ala khayr ma talabta al-ilm. C'est pas l'arabe que je veux. Je veux le ta'wil. Aïwa. Avec Mudda et le Masdar. Comment tu t'interprètes la phrase? Anta ala khayr ma talabta. Là, je veux pas une tarjama. Je veux un ta'wil en arabe du Masdar et du Mudda ensemble. Comment tu vas dire? Anta ala khayr ma talabta al ilma. Je veux pas un irab, je veux un ta'wil. Tout à l'heure, je t'ai dit ta'wil de... Ah, le sens, quoi. Quand je t'ai dit « Ana uhibbuka ma jalasta del makan ». Le ta'wil, c'est « Ana uhibbuka muddat julusika fi del makan ». Je veux que tu fasses la même chose avec ma phrase là maintenant. « Anta ala khayr ma tarabta el ilm ». Mudda. « Ana uhibbuka », aïwa. Mudda, elle a dit pas ce hein? Mudda. Aïwa. Aïna le masdar. Ma fi allati, il n'y a pas d'allati, il n'y a pas d'ismo sul. C'est Mudda après le Masdar. Mudda Talab. Talabika. Talabika l'ilm. Aïwa. Ana uhibbuka Mudda. Là, c'est le zarf. Mudda, c'est la période. Talabika l'ilm, Masdar, de ton étude. Et tant que tu étudies. Tu as la khay tant que tu étudies. C'est pas uhibbuka, c'est ta la khay la fois. Ostika thaniyan. أنت تعيش ما شربت الماء بإذن الله. مدة شربك. شربك. شربك. Traduis-moi là maintenant la phrase. أنت تعيش ما شربت الماء بإذن الله. Toi tu vis tant la parole que tu bois de l'eau. Tant que tu bois de l'eau. بإذن الله. Puis il y a pas d'autre chose. Tant même. Femme ta là. Taïe. C'est parce que c'est ça en fait tu vois pas. Donc ce ma là, il a un i'rab. C'est pas un harf. Hein? Si c'est un harf. Donc je dis un i'rab, il a un ism, je veux dire. C'est ma, zarfiyya, ou masdariya, zarfiyya. مثلاً أقول لك الأكزامبل جو دوني أنت على خير ما طلبت العلم ما طلبت العلم تمام ما ولسه ديبي أنت على خير بس مبتدأ على خير خبر تمام طلبت ما طلبت ما عادي ما مصدرية ظرفية مبني على السكون طيب اي شو لا محل من العلم مما اذكر طلبت هذا في ماضي مبني على السكون اتصالي بالضمير لا محل له من العلم لو تالا سي فاعل pourquoi c'est un فاعل. Parce que nous, on a dit c'est dama. C'est dama le verbe qui fait le travail de kana. C'est tout. Là, on t'expliquait que voulait dire le ma, masdariya. Mais celui qui fait le travail de kana, c'est pas jalasa, c'est pas talaba, c'est pas shariba. C'est seulement avec dama. Pour condition que dama soit précédé de ce ma-là qu'on vient d'expliquer avec shariba, jalasa ou talaba. Tu comprends? C'est un seul verbe qui travaille de kana. Ah ouais. Donc là, talabta, le ta c'est fa'il. Ou l'ilm a foulbihi. Si c'était dama, pardon. Maintenant, je t'aurais dit, anta la khayl, ma dumta salafiyan, anta la khayl, tant que t'es salafi. C'est quoi? Ça aurait été maintenant, ma mazdariya zarfiya, dum, adafir, mardi, naqis, nasir, m'amener la sukun. Comment? Ou ta, ma dumta ta, ou na, ism, madame. Madame, mabni à la dhomme, fi mahal raf, ism, madame. Salafiyan, ada, khabar, madame. Mansoub, aramatu nasbi, al-fatha. Attention, mal masdariya, tu peux l'employer dans plein de verbes. Mais pour qu'il y ait le travail de kana, c'est que avec dama, c'est tout. Les autres, ça ne fait pas de travail, ça fait ism, c'est fa'il et maful. Moi, je t'ai donné l'exemple avec jalasa ou shariba ou talab al-im pour que tu comprennes ça veut dire quoi ma masdariya, c'est quoi. Mais maintenant, pour revenir au asl, il faut que ce ma masdariya soit devant dama pour qu'il fasse le travail de kana wa khawatiha. Seulement dama, c'est tout. Les autres verbes qui ont ma masdariya, il ne faut pas ce travail-là. Thumma qala wa ma'na qawli musannif wa ma tasarrafa minha, tout ce qui se conjugue de ces verbes-là. أي ما كان من كان وخواتها فإنه يعمل عمل الماضي سواء كان مضارعا أو أمرا أو غير ذلك تقول كان زيد قائما ويكون زيد قائما وكن قائما. Donc après ce travail là qui te dit que le verbe qui se conjugue, ce verbe là il fait ce travail là quelle que soit sa catégorie, qu'il soit un ماضي كان زيد قائما, soit un مضارع يكون زيد قائما ou أمر كن قائما. Il fait le même travail. Mais parmi ces verbes-là, tu en as un qui ne se conjugue pas. Il s'appelle Jamid. C'est qui? C'est Leïsa. Leïsa, il vient que au mardi. Il n'y a pas de mot d'ordre de Leïsa. Il n'y a pas d'amr de Leïsa. Ah, mais les autres, ils ont. Ils ont un mardi, ils ont un mot d'ordre et ils ont un amr. تمام فهمت هذا طيب الخراسة ونبقي لي بكمين نواسخ دي متعدد الخبر سكانة وخواتها كانة وخواتها أغان المبتدا مرفوع مثل بيان اسم كانة أغان الخبر منصوب مثل بيان خبر كانة اسم لتخوة كاتيغوري سي ترابيس سان شرط سكانة وخواتها كي سون أمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وَمَزَالَ. Non, enfin, cela c'est le travail avec condition. Donc ces 8 là, elles font le travail de kana sans condition. Dès qu'elles viennent, khalas, c'est ism et khabar derrière. D'accord? Quand son nom est ça. Deuxième catégorie, ceux qui travaillent le travail de kana, bushart, en yasbikaha, nafi. Il y a un nafi devant. Et ça c'est زال وبارحة وفتحة وانفكة أي ما زال وما بارحة وما فتحة وما انفكة. On travaille de kana, condition qu'il y a un nafi devant ces verbes là. Et troisième qui se fait travailler de kana وخواتها c'est dama بشرط يتقدم عليها ما مصدرية ظرفية qui veut dire أي مدة الدوام على كذا وكذا. Et ce travail là, ces verbes là le font à tous les temps, au ماضي, au مضارع et au أمر. فهم تعالى؟ طيب. Maintenant tu classes bien ça dans ta tête comme je l'ai expliqué. Car demain tu auras d'autres nawasir qui vont arriver. Qui font un autre travail. هذا سنخوض إنا وخواتها يا خواتها إن شاء الله. فإلى هنا والحمد لله. C'est un peu long, à fois.